La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Nous recevons effectivement, comme il le disait tout à l'heure, depuis déjà trop longtemps. Merci. C'est dramatique. Mais c'est la fin de l'errance rénaldienne dans quelques minutes. Mais avant tout, nous avons entendu Françoise Hardy avec « Je ne vous aime pas ». Tony Truvant, L'œil américain, extrait de son album L'œil américain. Pas l'homme, l'œil. Avec sa chanson Ruby et Johnny Cash, Ain't No Grave. Et là-dessus, ça sonne une finalité à venir. Mais avant, je dois appeler une maison où l'on nous propose des vols d'avion pour des voyages, non pas organisés, mais enfin, pour se procurer un billet. Ah, j'y vais. Est-ce que c'est le temps? J'en ai aucun... Oui. M. Gagné. D'accord. Veuillez pénétrer. Oh, OK. Alors, nous allons pénétrer dans l'histoire. Action! On va composer le numéro de téléphone. Est-ce qu'on a un téléphone? Avons-nous un récepteur à l'errance rénaldienne? Avons-nous le budget? Oui. Le numéro, c'est là, quoi? 418-52. Comment 43-52? Signale à ma place, puis moi, je demanderai à ce que je recherche. Donc, ça sonne. Ça sonne. T'es-tu sûr ou c'est un oiseau, ça? Non, ça sonne, c'est le téléphone. OK. Oui, allô, agence Herbrance. Bonjour, Madame Herbrance. Bonjour, monsieur. J'aimerais avoir une petite information. Oui, et c'est pour quelle destination? Pardon? Quelle destination? Destination? Ah oui, où je m'en vais? Où partez-vous? Ben, c'est dans le ciel. Oh, ben, c'est l'endroit idéal, hein? Nous, ce n'est que des cartes de charter. Des avions. Est-ce qu'ils sont téléguidés ou s'il y a des capitaines? Il y a des capitaines. Des capitaines de l'air? Non, des capitaines de bière. Oh, des capitaines de bière. Est-ce qu'ils savent conduire des avions? Ils sont très chevronnés. Et au début, ils commencent par deux petits pastis au bar du coin. Et monsieur, ouais, et ensuite? Ensuite, ils enchaînent rapidement, hein? OK. Deux bières, deux pastis, deux bières, et là, ils pénètrent. Oh, c'est le temps de pénétrer. Ils pénètrent dans l'avion, et là, le capitaine vous envoie dans les airs d'une manière vertigineuse. Ouais, madame. Ouais, je suis pas certain de prendre votre compagnie. Mais c'est la meilleure, hein? Ouais. Ça, j'en doute pas que c'est la meilleure. Là. Je n'appelle que les meilleurs. Mais enfin, c'est pour une petite information. Ben, allez-y. Mais pas en francs. Moi, je veux pas en euros. J'aimerais en argent québécois. L'argent québécois. Attendez, je regarde sur ma liste. Argent québécois. Vous venez du... Ben, du Québec. Du Québec. Ah, mais c'est argent canadien. Hey, madame? Oui. Québécois. Mais non, c'est argent canadien. Vous êtes du Québec? Oui. Mais c'est l'argent canadien. Êtes-vous capitaine, madame? Non, je n'ai pas de pastis. Pas de... Non, je... Je suis un Québécois. Oui. Mais l'argent, c'est... Mais l'argent canadien. OK, bon, admettons. Oui, alors je vous écoute. OK. Je voudrais savoir le prix pour un billet aller-retour. Je quitte de Québec. Oui. Vers Paris. Paris. Et ensuite? Paris, je vais aller pas à Barcelone, mais à Strasbourg. Puis ensuite, je vais aller en Suisse. Mais ça, en TGV, en train à haute vitesse. Mais ça, c'est pas notre problème actuellement, là, c'est de savoir le prix de Québec à Paris. Ah, ben à Paris, hein? À Paris, c'est là, tout le monde entier, mais le monde entier, c'est pas toujours la prothèse, mais prothèsez-vous de toute la Paris. Oui, mais comment vous payez? Ben, c'est ça, là. Moi, j'aimerais... Madame? Oui? J'ai des bouteilles vides. Des bouteilles vides? De bière consignées. Consigné. Faut être con, là, mais j'ai 650 euros de bouteilles vides. 650 euros, oui. J'aimerais... est-ce que je peux payer mon billet d'avion aller-retour en bouteille vide? Oh là là! Oh là là là là là là! Oh là là! Attendez, je vous reviens. Pardon? Je vous reviens. Vous me revenez... Ben, je vais m'informer, je vous reviens. OK. Alors, c'est en bouteille vide, hein? De combien de... d'unités? Beaucoup d'unités, en fait. C'est même c'est 50 centimes la bouteille. 50 centimes, vous avez... Pour toute la totalité du billet. Oh, je reviens. Oui, OK. Je reviens vous chercher. Vous revenez me chercher? Je reviens vous chercher. Vous saviez que je... Ouais, d'accord. Alors, partez. Je pars. Pars, surtout ne te déroute pas. Pars. Madame, êtes-vous revenue? Mais ton temps, ton tir, ton temps, ta la la la la la la la la la la la la la la la. Madame, oui, je me suis informé. Alors, vous me dites. Tout ça, toute la totalité, comment ça coûte Québec-Paris, puis Paris-Québec, aller-retour, là? C'est 720 euros. 720 euros? 720 euros. Hey, voyons, c'est impossible. C'est très possible, hein? Alors, est-ce que vous pouvez prendre ça en bouteille consignée? En bouteille consignée? Ben, vide, là. Ouais, vide, consignée. Ben, on m'a dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais mes bouteilles en ont, en tabarnak, ça a mis... Nous allons les prendre, monsieur. Nous avons besoin d'aide. Là, ça ne fonctionne pas très bien dans le secteur aventurier. Nous allons... Ah, ben merci, hein. Alors, je vous arrive avec deux camions de bouteilles, hein. Quand? Le 17 avril à 20h30. 20h30? Oui. Nous fermons à 20h50. Ben c'est ça, 20h30, 20h50, ça vous fait 20 minutes. Pour tout compter. Ben ouais, mais c'est déjà dans des boîtes, c'est facile, là. Ouais. Les mouches viennent avec. Les mouches. Les petites mouches noires. Les petites mouches noires. OK, alors, est-ce que je peux? Ben, vous pouvez, hein. Alors, on vous attend. D'accord, merci. Monsieur. Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression, la sagesse ne s'apprend pas, elle brille dans votre étoile, proverbe allemand de Paul Fleming. 1635. Je le répète, la sagesse ne s'apprend pas. Ben ça, c'est bien certain. Comme disait Léo Méré. Qui? Léo Méré. Oui. Avec le temps, va tout s'en... Non, c'est Ferré. Ferré. Ben, c'est Léo Ferré. Ben, êtes-vous Ferré pour vous alimenter d'une culture incroyablement plus supérieure à la mienne? Facilement. D'accord. Alors, c'est Léo? Léo Ferré. Léo Ferré, d'accord. Alors, la sagesse ne s'apprend pas? Non. Non, parce que selon Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Même nos plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules dans la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Ça, c'est de la sagesse. Ben oui. OK. Elle ne brille dans votre étoile. Ben oui, elle brille où autrement? À l'extérieur? À l'extérieur? À l'extérieur de l'étoile? Ben... OK, M. Fleming, une autre expression. La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. Proverbe latin de Sénèque. Epistulat ad Lelicium. Elincium, Elincium. Elincium. Ouais. Dans Elincium, il y a Lelicium. Lelicium after min. Non, c'est Lelicium after bit. OK, la récompense bonne action, c'est de l'avoir fait. Comment ça? La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. Je peux rien dire là-dessus, là. Hein? Non, mais on peut dire un dernier adieu. Avant de te dire adieu, donne-moi ton cœur. Surtout, donne-moi un courriel. Rénald Québec, RAYNALDQUEBEC. À commercial, hotmail.com. Nous avons débordé, comme d'habitude. On aime bien déborder. Nous sommes des êtres très débordants. Oui, effectivement. Nous sommes rendus à votre tour, M. Gagné. Veuillez pénétrer. Oui. Nous pénétrons vers la fin. Alors, on peut dire les titres avant de s'introduire vers la fin du monde. La fin du monde, ce n'est que le tien, que le tien, que le tien et le mien. Tu verras, c'est le mien, le nôtre, le vôtre, le leur. Hey, ça, c'est un tabac. Roulez-le pas. Alors, François Hardy, mystère, le mort du bûcheron, hélicoptère avec la chanson City Slang, une petite allusion d'une chanson de Sonic. Ensuite, la mort d'un bûcheron de Sonic. Et Anthony Quinn avec I Love You, You Love Me et Camélia Jordana. Je ferai des recherches et vous l'entendrez à un moment donné en plein feu dans une... As-tu de la misère à partir? Je sais pas, là, est-ce qu'il y a de l'essence dans la bagnole avant de quitter pour la fin? Oh, alors on pourrait s'éterniser. On sait pas, là. Je sais pas, premièrement, est-ce que c'est les bougies? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que... Nous sommes perdus. On est toujours perdus. Revérifie, voilà. Ah, ça part pas. On est bloqué ici jusqu'à In vitam et marmam. In vitam et marmam. Monsieur? Oui. Alors, nous allons réparer sans doute votre bagnole. Comment ça? Mais toute l'équipe d'Errance Rénaldienne, c'est moi l'animateur Rénald Gagné. Oh, mais enchanté, vous êtes. Rénald Gagné. Oui. Et? Animateur. De? Errance Rénaldienne. Mais pas juste animateur. Ah non, vous êtes. Attendez, je vais prendre ma carte. Je suis, donc je suis concepteur, producteur et animateur de l'émission hebdomadaire de variété Errance Rénaldienne. Cette émission est anarchiste, libertaire, pamphlétaire, poétique et humoristique. Humoristique. J'ai jamais trouvé l'humour. Non, mais l'humour, là, c'est dans votre moteur. Ouvrez-le dans la capote. La capote. Ben, la capote de votre... OK. Alors, j'enlève la capote. Non, vous levez la capote. Mais laquelle capote? La capote de votre véhicule. Ah, celle-là, OK. Gardez votre capote. OK, mais je la lève ou je la garde? Non. Votre véhicule. Oui. Possède une capote. Oui. Alors, vous la levez. Comment? Vous la levez. Oui, je lève la capote. Oui, levez-la. À l'intérieur de votre véhicule. Oui. Il y a des fils. Oui. Les fils sont? Oui. Sont quoi? Oui. Les fils sont oui. Oui. Comment ça part pas si c'est oui? Je sais pas. C'est pas non. Non, c'est oui. Monsieur? Oui. On doit partir. Vous vous sentez partir? Je me sens partir. Il faut partir. Alors, fermez votre capote, fermez votre bouche, entrez dans votre véhicule, rentrez la clé, tournez la clé et le moteur partira. Ça, c'est quoi? C'est la résurrection? Non. La quoi? La résurrection. Non, on appelle ça la résurrection. Ouais, c'est ça. Ainsi soit-elle. Ainsi soit-il, pas s'appelle. S'appelle. Non, s'appelle disait, dans la résurrection, il y a toujours des électrons. C'est pour ça que c'est magique. C'est éclairant. C'est singulier. C'est amateur. C'est professionnel. C'est chercher la bibitte noire. Où se trouve la bibitte noire? Dans le capot de votre véhicule. Retirez la bibitte noire. Levez le capot. Ah, ben là, qu'est-ce que vous avez? Enlevez le capot. Je viens de trouver, là. Ah, vous êtes comme le docteur... pas le Dolittle, mais le docteur... Le docteur, là, celui qui... Dr. House. Oui, c'est ça. Dr. House. Je fonctionne par déduction. Oh, êtes-vous comme lui? Oui, je vois plein de personnages. Puis, OK. Hey, mais. Levez votre capot. Oui, mais le docteur. Oui, docteur House. Docteur House demande de lever le capot. Levez le capot. On lève le capot. Regardez à l'intérieur. Oui. Trouvez-vous une bébite? Oui, elle est noire. Enlevez la bébite noire. Enlevez la bébite, la bébite, la bébite, la bébite, le bout, le bobo, le bobo, le bobo, le bobo. Enlevez la bébite. Enlevez la bébite. Non, c'est. Oui, elle a une flébite. Elle a une flébite. Alors, la bébite a une flébite. La bébite a une flébite. Mettez-la dans un pot. Oui. Partez une allumette. Partez une allumette. Ouvrez un briquet. Ouvrez un briquet. Amenez un chalumeau. Il y a un chalumeau. Brûlez-la. Quoi? La bébite. La bébite. Elle est possédée du mémon. Du mémon. Non, du mémo. Du mémo. Le mémo, c'est la fin. La bibitte connaît la fin. Oui, enflammez-la. Enflammez-la, enflammez-la, enflammez-la. C'est comme éclairien, ça, là. Nous sommes pas. Oui, nous sommes, ils sont. Qui sommes-nous, pauvres pêcheurs? Nous sommes qu'une finalité au creux de l'immensité. C'était l'Errance Rinaldienne. À la prochaine, si tout va bien, et ça ira mieux. Bye-bye, c'était une sublime émission. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Arrête. Non, je continue. Mystère. Mystère devant qui je suis tombée. D'impatience pour vous, mystère. J'aurais voulu créer le plus grand des mystères. Pour un jour vous comprendre. Pour un jour vous découvrir enfin. De la tête aux pieds. Un enfer, une équation étrange, où parfois j'ai vu le fer, ou les ailes d'un ange. Vous saviez si bien vous taire, mais moi si vous saviez, deviner en moi ce qui se passe. Oh, si vous saviez. Ouais, en tout cas, c'est beau et naturel, hein? Ah ouais, qu'est-ce que t'attends? Partage de guitare. Hey! Comment on ça? Une intellectuelle, ça sait rien faire. Moi, avec un petit coup de gin dans le corps, je fais n'importe quoi. C'est noir, viens-tu danser? Le ril de la soucoupe volante! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! Il est mort, le mort! veux pas fêter avec nous autres? Hein? Viens t'en verser un petit peu. Take it off, baby, take it off. Écoute-donc, Chris, as-tu envie de me voler mon mari? Well, it's pas mal fort. Hein? Écoute. Oh, j'aime ça. C'est François? Oui. Veux-tu que j'aille lui parler? Non. Je t'ai apporté des vêtements chauds et une couverture. Tiens. Je viens aussi pour m'excuser. Tu m'en veux? Pour ça, non. Il m'a offert la job quand même et j'ai refusé. Ça m'intéresse plus. Je veux qu'on recommence, nous deux, à zéro. Tu me crois? Ah oui, en te cherchant, j'ai aussi appris des nouvelles de ton père. Le camp ici a été fermé en 63. En principe, il aurait dû être fermé en 66. Il y a eu une émeute ou je sais pas quoi, un soulèvement. Heureusement, ton père en est sorti vivant. Mon père est mort. Ouais, on a même célébré ça hier soir. Va-t'en, François Paradis. Tu vois pas que Marie est malheureuse? Peux-tu comprendre ça, toi, le malheur de quelqu'un? Marie? Elle est pas malheureuse à cause de toi. Mon Dieu, vous êtes égoïste, vous autres, les hommes. Vous pensez toujours que c'est pour vous, par vous, mais non. Va-t'en donc, François Paradis. Laisse-la tranquille, déguerpie. T'es jalouse? Jalouse? Oui. Oui, François Paradis. Oui. Jalouse qu'un homme comme toi, une poule mouillée, puisse intéresser une seule minute une jeune fille comme Marie. Tu mérites pas ça, François Paradis. Puis elle, elle mérite un homme, un vrai, pas toi. Attention tout le monde, Sylvain va parler. Oyez, oyez, voici le récit de Tancrède Chapdelaine, un homme de chez nous, mort pour... J'ai senti qu'il se passait quelque chose au déjeuner parce que tous les gars gardaient le silence. Puis parce qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit sur le mur « Vive Baptiste Coulombe ». Quand le silence tombe de même sur une assemblée, l'heure est grave. Mais qui c'était, Baptiste Coulombe? I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say, I love you? I love you. No need to say it any other way. Love me. How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. Different ways that to say I love you. Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, honey, you love me. How wonderful that such a thing can be. baby, just we two. Heads up, too. I love you, and you love me. J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mots n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille tellement triste, j'avais besoin de toi. Tu m'as trouvée antipathique, mais sexy et sûre de moi. Je me foutais de ta musique, de tes mots tendres, mais t'aimais ça. Je te plaisais bien vite. Tu es devenue fou de moi. Mais l'été passa trop vite. C'est l'hiver et je crois. Tu m'as laissé tellement triste. Maintenant c'est l'hiver.